إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence la partie numéro 5 dans la lecture du livre qui s'intitule إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، c'est-à-dire le consensus des savants au sujet du fait de s'écarter et de mettre en garde contre les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de la bid'a. Et donc on est toujours dans le chapitre 2 qui est au sujet de la dureté des salafs et des ulama de Ahl Sunna envers les gens de la bid'a. Le cheikh il donne maintenant, après avoir donné les exemples à propos de l'imam al-Barbahari, il donne maintenant des exemples yani, à propos d'autres parmi les imams d'Ahl Sunna également. Et il commence par un exemple du fait comment les gens d'Ahl Sunna agissaient envers les gens de la bid'a, en donnant l'exemple de la biographie de l'imam Ahmad ibn Aoun, Ahmad ibn Aounillah ibn Hudayr Abi Ja'far al-Andalusi al-Qurtubi, qui est mort en 378. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufrij, il dit à son sujet que Abu Ja'far Ahmad ibn Aounillah, c'est une personne qui ordonnait le bien et interdisait le mal contre les gens de bid'a, et qui était rude envers eux et qui les humiliait et qui mentionnait leurs mensonges ou leurs faussetés ou le mal, leurs mauvaises paroles pour avertir les musulmans à leur sujet. Et il faisait donc, il se précipitait dans tout ce qui pouvait leur causer du tort et tout ce qui pouvait leur nuire. Et il était dur contre eux. Et il les expulsait lorsqu'il avait la capacité de les expulser. Et il mentionne que ils se cachaient de lui. Ils essayaient de se cacher de lui et de s'enfuir de lui. Et il ne faisait de compromis avec personne. Hein, dans aucune circonstance et dans aucun cas. Et lorsqu'il était témoin de quelque chose de mauvais ou de quelque chose de mal ou de toute chose qui dévie ou qui est en contradiction avec la sunna, il le rejetait et il le dévoilait. Hein? Et il mentionnait son désaveu de ce genre de contradiction de la sunna. Et il le critiquait et l'insultait et le mentionnait par tous les par tous les paroles pour montrer le mal qu'il y avait dans ces paroles-là ou dans les exemples des paroles des gens de bid'a. Et que ce soit dans des assemblées ou dans des endroits où il y avait, même si c'était dans des endroits où il y avait beaucoup de gens réunis, donc il mettait en garde contre toute déviation contre la sunna. Et il le rejetait, il le dévoilait aux gens, il le faisait connaître aux gens. Et il faisait en sorte que tout ce qu'il y avait de mauvais dans leurs croyances et dans leur méthodologie ou dans leurs idéologies ou dans leurs parole, il le faisait sortir. Hein? Et il faisait ça et il luttait dans cette cause en cherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est resté comme ça jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est rapporté dans Tariq Dimashq. Ensuite c'est rapporté dans la biographie de Bakr ibn Ja'far ibn Rahib Abu Amr al-Mu'azzin, qui est mort en l'an 380. Ja'far ibn Muhammad al-Mu'taz, il dit dans Tariq Nasaf qu'il était une personne qui récitait jour et nuit le Coran, et il était dur envers les gens de la bid'ah. L'imam Asad ibn al-Furat, rahimahullah, il mentionne dans une lettre qu'il a écrit à Asad ibn Musa, celui qu'on appelle Asad al-Sunna, le lion de la Sunna. Hein? Dans une lettre qu'il a écrite à Asad ibn al-Furat, il lui dit: sache, mon frère, que ce qui m'a amené à t'écrire, hein, c'est ce que les gens de ton pays m'ont mentionné, du bien de ce que tu fais et du bien de ce que Allah t'a donné, et comment tu es bon envers les gens et comment tu es juste envers eux. Et le cheikh, il met une note de bas de page ici pour mentionner que regardez comment cet imam fait qu'il blâme les gens de bid'a et qu'il les critique et qu'il les attaque. Il fait de ça un signe de justice qu'il a envers les gens, et il montre comment il était juste et bon envers les gens, et que ça fait partie de ses hasanat. Hein, tandis qu'aujourd'hui, tu vois que des gens considèrent ça comme étant quelque chose de négatif. Et c'est ce qu'on entend de la part des gens qui appellent au manhaj de al-muwazanat, c'est-à-dire qui appellent à balancer entre le bien et le mal et de mentionner le bien que les gens de bid'a font. Hein? Donc, ça c'est un exemple ici. Après, il dit, je t'écris cette lettre, et qu'est-ce qui m'a amené à écrire cette lettre? C'est ce que les gens de ton pays ont mentionné comme le bien de ce que Allah t'a donné et la bonne état que tu as parce que tu as exposé et montré la sunna, et que tu as critiqué et blâmé les gens de la bid'ah, et que tu les as mentionnés énormément et tu les as critiqués et attaqués, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'ils soient humiliés par toi, hein, et qu'il a renforcé par ta cause le dos des gens de la sunna, et qu'il les a raffermis et leur a donné la force en faisant en sorte que tu montres leurs défauts et que tu les attaques et que tu les critiques par tes paroles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés à cause de cela, et donc maintenant ils se cachent avec leur bid'ah parce qu'ils ont peur de l'exposer et de la montrer à cause de ça. Donc réjouis-toi, ô mon frère, de la récompense que tu vas avoir pour avoir fait cela, hein? Et considère ça et calcule-le parmi tes meilleures bonnes actions, hein? Meilleur que ta prière, ton jeûne, ton hajj, hein? Et ton jihad. Où est-ce que tu peux, comment tu pourrais comparer ces actions-là avec le fait d'établir le livre d'Allah et de faire revivre la sunna de son messager? Et on a mentionné également que pour chaque bid'ah qui a été ramenée pour faire une ruse contre l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ramène un de ses alliés pour l'écraser. Et pour mentionner ces signes. Alors, cherche cette chance-là de faire partie de ceux justement qui sont parmi ces alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont défendre la sunna, appelle à la sunna, jusqu'à ce qu'il y ait autour de toi un groupe de gens qui vont prendre ta place si jamais il arrive quelque chose, et ils vont être des imams après toi. Et tu auras la récompense donc de ça jusqu'au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans Al-Athar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que la personne qui appelle à une guidance, eh bien, il aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. chaque fois que quelqu'un pratique cette bonne chose ou suit cet exemple qu'il a pris de la sunna et qu'il a enseigné aux gens, lui il aura une part de la récompense aussi. Et il dit, agis avec compréhension, avec une bonne intention et en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va réfuter par toi les innovateurs, les gens de la fitna, alaykoum salam wa rahmatullah, et les gens qui sont déviés et qui sont confus. Donc c'est comme si tu seras un successeur de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne peux pas rencontrer Allah avec une action qui est semblable à celle-là. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'action qui est meilleure que ça. Et prends garde, hein, de prendre parmi les gens de bid'ah un frère ou un compagnon avec qui tu t'assois ou un ami. Parce que sinon, la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber sur toi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction sur les gens de la bid'ah. Et prends garde que Allah subhanahu wa ta'ala, yani donc, prends garde de t'asseoir avec eux, parce que tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera d'eux aucune action, aucune obligation, aucun acte surérogatoire, et aucune compensation, et aucune dépense. Et plus ils s'efforcent à faire des jeûnes, plus ils s'efforcent à faire des prières supplémentaires et surérogatoires, plus ils s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors refuse de t'asseoir avec eux et humilie-les et écarte-toi d'eux, hein? Comme Allah les a éloignés et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam les a humiliés, ainsi que les imams de la guidance après lui. Donc ça c'est une parole qui est rapportée par Ibn Waddah dans son livre Al-Bida' wa Nahi Anha. Donc ça c'est une parole qui est très forte, qui est remplie de, yani d'exemples de la, qui montre la force de cet imam et comment il était fort dans la sunna et qu'il était dur envers les gens de la bid'ah. Et on mentionne également dans sa biographie, comme l'a dit Yahya ibn Sallam, que un jour Asad était en train de rapporter des hadiths, et il rapportait un hadith au sujet de Ar-Ru'ya, c'est-à-dire le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et un des Mu'tazila était assis, c'est Sulayman al-Farra, donc il était assis à la fin de l'assemblée, au bout de l'assise, hein? Et il a commencé à nier Ar-Ru'ya. Il a nié que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et Asad l'a entendu alors qu'il donnait son cours et qu'il enseignait le hadith. Alors il a rassemblé ses vêtements, il a pris sa barbe, il a rassemblé ses vêtements, et puis il s'est dirigé vers lui avec sa sandale, et il l'a frappé, hein, jusqu'à le faire saigner, et il l'a chassé de son assise. Donc ça c'est un exemple encore une fois qui est tiré de Tartib al-Madarik de Al-Qadi Ayyad. Ça montre la dureté des ulama d'Ahl Sunnah envers les gens de bid'ah. Et il est rapporté également dans la biographie de Ahmad ibn Abdullah ibn al-Khidr ibn Masrour Abil Hassan al-Mu'addal, celui qui est connu sous le nom de Ibn Susan Jardi, qui est mort en 402, le Khatib al-Baghdadi a dit à son sujet, c'était un homme fiable à qui on faisait confiance, qui était sur sa religion, hein, qui était mastour, hein, et il avait une bonne aqida et il était sévère dans la sunna. Tiré de Tariq Baghdad. Kana Muhammad, et de même que Mukadalika Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Abu al-Hassan al-Bazzaz, qui est connu sous le nom de Ibn Razquway ou Razquya, qui est mort en 412. Al-Khatib, il dit à son sujet qu'il était fiable et véridique, et qu'il avait écouté beaucoup de hadiths, et qu'il en avait écrit beaucoup, et qu'il était hasanul i'tiqad, il avait une bonne aqida, jamilul madhab, il avait un beau madhab, une bonne, il suivait correctement la voie, hein, la voie de la sunna, et il récitait constamment le Coran, et qu'il était shadidun ala ahlil bid'ah, il était dur contre les gens de bid'ah, tariq Baghdad. قال الخطيب أيضا إلى ذي également الخطيب البغدادي il dit dans la biographie de عبيد بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسين أبي القاسم الخفاف qui est connu sous le nom de ابن النقيب qui est mort en 415 il dit j'ai écrit de lui des hadiths et il était dur sur la il était sévère dans la sunna encore une fois dans tariq Baghdad. الذهبي rapporte dans sa biographie de l'imam Abu Umar Ahmad ibn Muhammad al-Mu'afiri al-Andalusi al-Talmanki, le savant de Qurtuba, qui est mort en l'an 429, la ville de Qurtuba en Espagne, il dit à son sujet, كان فاضلا شديدا في السنة. C'était un homme plein de mérite. Et qui était dur, sévère dans la sunna. قال خلف ابن شكوال أو ابن بشكوال كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع. Il dit c'était une épée qui était dégainée sur les gens de passion et de bid'a. قامعا لهم qui les humiliait. غيورا على الشريعة. C'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup de jalousie pour la charia, beaucoup de défense de l'honneur de la charia, et qui était sévère dans ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est rapporté de Tazkiratul Huffaz et de Sira Alam al-Nubala. Al-Zahabi il dit également dans la biographie de Sheikh Musnad al-Andalus, Abu al-As, Hakam ibn Muhammad ibn Hakam al-Juzami al-Qurtubi, qui est mort en 448. قال الغساني, الغساني a dit, c'était un homme pieux, un homme fiable, musnad, c'est-à-dire une personne qui avait les chaînes de transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à lui. صلبًا في السنة, quelqu'un qui était solide dans la sunna. مشددًا على أهل البدع, qui était sévère et dur, contre les gens de la bid'a. Qui était chaste et modeste, et pieux, qui était patient, même quand il avait peu, et qui refusait la dunya, et qui refusait la dunya et qui ne donnait pas d'importance aux gens de la dunya. Ça, c'est également dans Sira Alam al-Nubala. Al-Khatib, il dit dans la biographie de Mansour ibn Abdul Malik, Ibn Muhammad ibn Yusuf al-Baghdadi, qui est mort en 460, il était une personne unique dans son époque, dans le fait de faire le bien. Et il faisait constamment des aumônes. Il donnait la sadaqa. Et il donnait également aux ulama. Et il défendait les gens de la sunna. Et il humiliait les gens de la bid'ah. Dans Sira Alam al-Nubala. Ibn Kathir, il dit à propos de la même personne, c'est-à-dire Abu Mansour Abdul Malik, Muhammad ibn Yusuf al-Baghdadi, Ibn Muhammad ibn Yusuf al-Baghdadi, il dit à propos de lui dans Al-Bidaya wa al-Nihaya, que c'était une personne unique à son époque, dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et dans le fait de se précipiter vers les bonnes actions et de porter son aide auprès des gens de la sunna tout en restant dur dans le fait de se tenir contre les gens de la bid'a et de les maudire. Et Abu al-Hussein al-Farra il dit dans sa biographie de al-Sharif ibn Ja'far ibn Abdul Khaliq ibn Musa al-Hashimi al-Hanbali qui est mort en 470, Je suis resté 5 ans avec lui. Et quand il lui parvenait une information ou une nouvelle à propos de quelque chose qui est mauvais, il prenait ça comme quelque chose de grave, très grave. Et il était dur contre les mubtadi'a. Hein? Et sa parole a toujours été élevée. Hein? Sa parole a toujours été haute. Et ses compagnons humiliaient, hein, la bid'a. Et personne ne les empêchait de le faire. Et il mentionne ensuite également dans la biographie de Abdurrahman ibn Muhammad ibn Mindah, qui est mort en 470, il dit كان شديدا على أهل البدع مبينا لهم. Il était dur envers les gens de bid'a et il s'écartait d'eux, il se séparait complètement d'eux. Ça c'est dans Tabaqat al-Hanabila. Et dans la biographie de Abu Ali Al-Hassan ibn Ahmad al-Ma'ruf bi ibn al-Banna, qui est mort en 481, il dit c'était une personne qui était adib, une personne qui était un écrivain, et il était shadid ala ahli al-ahwa, il était dur envers les gens de la passion, dans Tabaqat al-Hanabila. Et dans la biographie de Al-Qadi Abu Ali Ya'qub ibn Ibrahim Al-Barzini, qui est mort en 476, il dit kana mutashaddidan fi sunnah, c'était quelqu'un qui était sévère dans la sunna, hein? C'est tiré de Tabaqat al-Hanabila. De même que Cheikh al-Islam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari al-Harawi, qui est mort en 481, l'imam al-Harawi, الرهاوي أدي à son sujet كان شيخ الإسلام في الآفاق بالحنبلية مشهورا في الآفاق بالحنبلية والشدة في السنة. C'est-à-dire que الرهاوي il dit au sujet de l'imam al-Harawi que شيخ, il l'appelait شيخ الإسلام parce que c'était un des grands savants, il était célèbre, hein, partout. Hein, il était célèbre partout qu'il était, avec sa position qu'il était sur la voie de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et qu'il était dur dans la sunna. Ça c'est tiré de Zayl Tabaqat al-Hanabila. Ibn Rajab il dit kana sayyidan aziman, c'était un maître, un homme grand, un imam savant, connaisseur, adorateur, qui s'écarte de la dunya. Et il avait des statuts et des degrés élevés, et même des prodiges et des efforts qu'il faisait dans l'adoration. Et il restait debout la nuit, longtemps, dans l'adoration. Il était dur, hein, et il se tenait dans la défense de la sunna. Hein, et il défendait la sunna et il humiliait tous ceux qui contredisaient la sunna. Et à cause de ça, il a eu de grandes épreuves. Et il défendait et il était, il respectait beaucoup le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et il dit, l'imam al-Zahabi dit à son sujet aussi, cet homme était une épée dégainée contre les gens de kalam, les mutakallimin, ceux qui parlent d'Allah sans se référer à la révélation et qui se basent sur leur logique. Et il avait une emprise et un prestige sur les gens de son pays. Et les gens le respectaient. Et parfois même ils exagéraient à son sujet. Et ils dépensaient tout pour faire ce qu'il leur donnait de faire. Il était plus respecté pour eux que même que le dirigeant. Et c'était une montagne. Une montagne ferme, inébranlable dans la sunna. Rien ne pouvait le faire secouer ni l'adoucir. Hein? Donc c'était une personne très ferme dans la sunna. Et il dit aussi à son sujet, l'imam al-Zahabi, que c'était une épée qui était dégainée contre les gens qui opposaient la sunna. Et que c'était une épine dans les yeux des gens de kalam. Et une montagne ferme sur la sunna qui ne s'ébranlait pas. Il dit aussi à son sujet, qu'il était une épine dans les yeux des gens de Bid'ah et une épée contre les Jahmiya. Et l'imam Ibn al-Jawzi, il dit, il restait souvent debout la nuit pour adorer Allah. Et il rapportait les hadiths et il écrivait des livres dans le hadith. Et il était dur contre les gens de Bid'ah, fort dans la défense de la Sunna, dans Al-Muntazim. Et il rapporte également dans sa biographie qu'il a dit, que l'imam Al-Harawi a dit, on m'a présenté l'épée 5 fois. C'est-à-dire 5 fois on m'a menacé de l'épée. Et on ne me disait pas, reviens de ta position. C'est-à-dire, quitte ta position. On ne me disait pas de quitter ma position. Mais on me disait, tais-toi. Cesse de critiquer ceux qui te contredisent ou ceux qui ne sont pas sur la même voie que toi. Et je leur disais, je ne vais pas me taire. La askut. Hein? C'est ça. Cette parole, elle est célèbre. عرضت علي أو عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن اسكت عن من خالفك فأقول لا اسكت. Je disais, je ne vais pas me taire. Et dans la biographie de Abu Muhammad Abdullah ibn Sahl al-Ansari al-Muqri, Sheikh al-Qurra bil-Andalus, le Sheikh des récitateurs de l'Andalousie, qui est mort en 485, qu'il était un imam, on mentionne qu'il était un imam de son époque, dans son domaine, et que sa réputation avait atteint des distances lointaines, et qu'il était dur contre les gens de Bid'ah, et qu'il disait la vérité, et qu'il était respecté, il avait un prestige. Et il a été éprouvé et même expulsé de sa région à cause de ça. Et de même que dans la biographie de Abi al-Muzaffar, Mansour ibn Abd al-Jabbar al-Tamimi al-Sam'ani, qui est mort en l'an 489, rahimahullah, l'imam al-Dhahabi a dit qu'il a écrit le livre al-Istilam et le livre al-Burhan. Et il a aussi un livre qui s'appelle Al-Amali, qui dans le domaine du hadith. Et il était quelqu'un qui défendait la sunna, et les gens du hadith, et les gens de la sunna wal-jama'a. Et c'était une épine dans les yeux des gens qui opposaient la sunna, et une preuve pour les gens de la sunna. Ça s'est tiré de Siyar al-Alam al-Nubala. De même que dans la biographie de Abu Abdullah Muhammad ibn Faraj, qui est mort en 497. Ibn Farhoun, il dit à son sujet que c'était un cheikh méritoire, qui était éloquent, qui disait la vérité et qui était dur contre les gens de la bid'ah. Dans la biographie de Ahmed ibn Ibrahim ibn Zubayr al-Thaqafi, qui est mort en 780, on dit qu'il était dur dans la vérité, qu'il était ferme sur la vérité, dur contre les gens de la bid'a et qu'il restait fermement accroché à la sunna. Et on lit également de ce qui a été dit dans la biographie de l'imam al-Mujahid, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en 728 de la Hijra. Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi, il dit à son sujet, Qami'ul Mubtadi'in, celui qui a humilié les gens de Bid'ah. Ça, c'est dans son livre, Ar-Radd al-Wafir, l'Ibn Nasir. Et on dit également, Wa kana sayfan maslulan 'ala al-mukhalifin. C'était une épée dégainée contre les gens qui opposent la sunna. Et c'était également, comme une lance sous la gorge des gens de la passion parmi les Mubtadi'in, les gens de Bid'ah. Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wani al-Mu'addin, il dit à propos d'Ibn Taymiyyah qu'il était celui qui a humilié la Bid'ah et qui a défendu la Sunna. Le Cheikh Kamal al-Din ibn Zamalkani, il dit à propos d'Ibn Taymiyyah qu'il était le défenseur de la Sunna, celui qui a humilié la Bid'ah, la preuve d'Allah sur les serviteurs de son époque, qui réfutait les gens de la déviation et de l'obstination. Et il dit aussi قَامِعُ الْمُبْتَدِعِينَ نُحْيِ السُنَّةِ, celui qui a humilié les innovateurs et qui a fait revivre la sunna. Ahmad ibn Sheikh al-Hazamiyin, il dit نُحْيِ السُنَّةِ, celui qui a fait revivre la sunna, qui a humilié la bid'a, qui a défendu le hadith. Ahmad ibn Fadl Ahmad ibn Fadlillah al-Umari, il dit que Ibn Taymiyyah, il a anéanti les gens de la bid'a dans tout ce qu'ils ont dit d'ancien et de nouveau. Et il n'y en a pas un d'entre eux excepté qu'il tremble devant lui et qu'il rapetisse devant lui. Et il dit, Abdullah ibn al-Muhib al-Maqdisi, il dit à propos de Ibn Taymiyyah, c'est un signe de guidance, le défenseur des sunan et celui qui a humilié la bid'a. Et Ibn al-Ham al-Ba'li, il dit celui qui a humilié les gens de bid'a, qui a rabaissé les gens de bid'a. Et Al-Hafiz ibn Hajar, il dit à son sujet, hein, il dit parmi les choses les plus étonnantes à propos de cet homme, c'est qu'il s'est tenu d'une façon qui, c'est la personne qui s'est tenue le plus contre les gens de la bid'a, parmi les rafidah, parmi les hululiyah et les gens de l'ittihad, l'ittihadiyah. C'est des groupes de bid'a parmi les soufiyah, hein, extrémistes qui, al-hululiyah, ceux qui croient qu'Allah est en certaines personnes, ou qu'on peut s'unifier avec Allah subhanahu wa ta'ala, devenir un avec Allah, comme les chrétiens qui croient en l'incarnation de Dieu en Jésus ou des choses comme ça. C'est chez les soufis, il y a des gens qui ont cette aqida là également. Donc il les a réfutés. Et il dit, ça c'est très connu et très célèbre, et ses fatwas sont innombrables. Et l'imam al-Tafhani, il dit à propos de Ibn Taymiyyah qu'il ne craignait le blâme de personne dans la vérité, et qu'il écrasait et humiliait les gens de la bid'a. Et également Badruddin al-Ayni, il dit à propos de Ibn Taymiyyah qu'il était un sabre dégainé contre les gens de bid'a. Et il dit également que c'était une épée dégainée contre les mubtadi'a. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans les paroles de ces imams et de ces ulama, qui prouvent que le fait d'être dur envers les gens de bid'a, c'est une éloge. Ça fait partie des éloges qu'on fait de quelqu'un, et c'est pas un blâme. Et il mentionne maintenant les paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dans son livre An-Nuniyyah. Et dans An-Nuniyyah, il y a plein de passages comme ça où Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dit des paroles pour montrer comment il veut humilier les gens de bid'a et comment il les combat. Et il dit, well, par exemple, parce que je ne peux pas tout lire ça, mais juste pour vous donner des exemples, où il dit, وَلَا أُجَاهِدَنَّ عِدَاكَ مَا أَبْقَيْتَنِي, je vais combattre tes ennemis, ceux qui t'opposent, tant que tu me laisses en vie. Donc il mentionne comment il veut les combattre, les gens de bid'a, et comment il veut les dévoiler, les démasquer, hein, et montrer la réalité de ce qu'ils cachent, de leur fausseté et de leur mensonge, et comment ils opposent la guidance. Et il cite, donc An-Nuniyyah, c'est un poème que Ibn al-Qayyim a écrit pour réfuter les gens de bid'a. Il a 6000 vers, ce poème. Donc 6000 vers pour réfuter les Jahmiyyah et les Mu'tazila, et c'est un de ses meilleurs livres. Et il y a également un autre livre comme ça, écrit par un imam qui s'appelle l'imam al-Qahtani, qui a lui aussi écrit une Nuniyyah, dans lequel il réfute les gens de bid'a et il clarifie la aqidah d'Ahl al-Sunnah et leur manhaj. Et il y a également dans ce poème-là plein d'exemples comment il rabaisse et comment il humilie les gens de bid'a, les asha'ira et les gens de kalam, et comment il défend la aqidah d'Ahl al-Sunnah et il réfute les gens de bid'a. Donc ça, c'est des exemples. Je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est juste pour que vous sachiez النونية de Al-Qahtani et An-Nouniya de Ibn al-Qayyim, et il y a plein d'autres livres comme ça parmi les poèmes écrits par les gens de la Sunna pour réfuter les gens de Bid'ah et défendre la Sunna. Ensuite il dit le Cheikh Khalid Al-Zufayri, après tout ce qu'on a lu, il fait la conclusion maintenant. Il dit, est-ce que après toutes ces narrations et ces citations des imams des salafs qu'on a mentionné, tout ça on peut voir maintenant de façon claire, la voie, comment les gens de la Sunna agissaient envers les gens de Bid'ah. Et que le fait d'être dur dans la façon d'agir avec eux, c'est quelque chose de louable. Et que c'était une de leurs qualités. Donc, est-ce que quelqu'un a le droit, après tout ça, de venir critiquer quelqu'un parmi les gens de la Sunna, en mentionnant cette caractéristique salafia, du fait d'être dur, puis d'essayer de le blâmer en disant ça? Donc si il le blâme en disant qu'il est dur avec les mubtadi'a, ne sait-il pas qu'il est en train de blâmer les salafus salih? Quand quelqu'un est en train de blâmer quelqu'un parce qu'il est dur envers les gens de bid'a, eh bien indirectement il est en train de blâmer les salafus salih, et à la tête de ceux-là les sahaba, comme on l'a mentionné précédemment dans les citations. Donc, que celui-là craigne Allah, subhanahu wa ta'ala, des gens qui prétendent être sur la sunna, ou qui se disent même parfois salafi, et qui font preuve de lâcheté, et qui laissent, et qui abandonnent les gens qui défendent la salafie, qui défendent la sunna, ils abandonnent les ulama, Ahlus Sunnah et les Tulab al-Ilm de la Sunnah qui réfutent les gens de Bid'ah. Lorsque les ulama d'Ahlus Sunnah prennent des positions contre les Mubtadi'ah, eux, ils se désavouent d'eux et ils les abandonnent et ils les délaissent par lâcheté. Ils abandonnent les gens de la Sunnah et ceux qui défendent la vérité et la science. Et il se place comme avocat et protecteur des gens de Bid'ah. Et il s'allie aux gens, ils font des alliances avec les gens de Bid'ah, et ils opposent les musulmans qui critiquent les gens de Bid'ah par la suite. Allahul Musta'an. À cause de cette attitude de la part de certains, qui se disent salafis ou qui se disent sunnis, parfois, on voit que beaucoup de jeunes ont été corrompus dans leur compréhension de la salafia, et ils ont été déviés dans leur compréhension de la sunna. Et c'est à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là qui essaient de faire croire que d'être dur envers les gens de bid'ah, c'est pas correct. C'est pas la bonne façon. C'est pas la sagesse ou des choses de ce genre. Et ils ont obstrué le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont bloqué la voie des salafs avec leur manière d'agir, qui est une manière dont l'islam est innocent, et dont l'islam et les gens qui le suivent parmi les sahaba et les tabi'in et les imams d'Ahlus Sunnah se désavouent. Ils ont fait un crime contre l'islam, et c'est un des plus grands crimes en agissant de cette façon-là. Et il dit donc de suivre la voie des salafs dans la façon d'agir avec les mubtadi'a, c'est la seule voie qui peut nous amener à être sauvés des fitanes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la sunna et sur l'islam. Et il dit ensuite, mais il faut faire attention. Quand on dit qu'il faut être dur envers les gens qui opposent la sunna, et que ça c'est une chose qui est une caractéristique des imams de la sunna, Ça ne veut pas dire qu'ils avaient un mauvais comportement. Non, au contraire. C'était des gens qui adoptaient les caractères les plus nobles, et les caractères de générosité, et les caractéristiques qui sont les plus louables, qui avaient la patience, qui avaient la bonté, la douceur, le calme, qui étaient des gens véridiques, et pieux, qui s'écartaient des choses douteuses, et des choses haram et des choses douteuses. Ce sont des choses qui ne sont pas haram mais qui sont douteuses, donc ils s'en écartaient aussi. Mais lorsqu'ils voyaient quelque chose qui nécessitait de leur part de la dureté, eh bien, ils humiliaient les gens de bid'ah. Et en particulier, ceux d'entre eux qui appellent à la bid'ah. Hein? Et ils faisaient ça pour détourner les gens de leurs innovations. Et ça, c'est uniquement parce qu'ils connaissaient le danger de ces innovations-là. Et ils savaient ce à quoi ces innovations-là pouvaient ramener, parfois, jusqu'au kufr, et jusqu'à l'hérésie, hein, et à l'hypocrisie. Hein, donc tout ça revient à la sagesse de la personne qui fait la da'wa, et à sa compréhension, comment il doit agir, dans la façon d'agir avec les gens. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et je vous ai mentionné quelque chose à ce sujet-là hier. Hein, et je vous ai expliqué à ce sujet-là. Donc, ça, c'est des points qui sont très importants. Et parfois, le cheikh, il cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre « Irasatul Lahfan » dans laquelle il mentionne ou il clarifie que le shaitan, parfois, quand il veut venir appeler quelqu'un à qu'est-ce qui est un péché ou une perversité, il va toujours envoyer quelqu'un, par exemple, qui vient avec le sourire et qui parle avec douceur, qui l'invite avec un bon comportement. Mais pourtant, il l'appelle au péché et à qu'est-ce qui est haram. Et lorsque tu vois cette personne-là qui vient avec cette attitude-là et ce comportement-là, avec le bon comportement, tu lui réponds avec dureté, tu le repousses avec un visage dur, hein, et puis il te laisse par la suite. Hein, il va savoir qu'il n'a aucune chance avec toi de te ramener dans l'égarement ou dans le péché. Toutefois, si tu l'accueilles avec le sourire et la douceur, eh bien, il va penser qu'il a un chemin vers toi et qu'il est capable maintenant de t'attirer dans son péché. Et donc, ça c'est dans la, il dit c'est la même catégorie que la personne qui est sur la bid'a. Si tu cesses de lui donner le salam, hein, et que tu lui montres pas un visage souriant et que tu lui montres que tu es sévère, il va savoir que il ne peut pas t'appeler à son égarement et que tu vas pas accepter son invitation à l'égarement. Ça c'est quelque chose qui est important de comprendre. Et si vous regardez par exemple les gens qui appellent au kufr et au shirk parmi les chrétiens et autres, ils ont toujours un bon comportement quand ils viennent pour appeler les gens. Les missionnaires, quand ils vont dans les pays musulmans ou dans les autres pays pour appeler les gens à devenir chrétiens, ils vont adopter le meilleur comportement. Pourtant, ils appellent au kufr et à l'enfer. Donc, il ne faut pas se laisser tromper juste par le visage et le sourire. Il faut voir le danger qui est derrière ce qu'il cache. Donc ça vient compléter cet aspect et cette partie. Maintenant, on va rentrer dans le troisième chapitre. Et c'est un chapitre très important qui va nous aider à comprendre comment on doit agir envers les livres des gens de la bid'ah. Le cheikh, il a intitulé ce chapitre « Manhajou Ahli Sunna fi Mu'amalati Kutubi Ahli al-Bid'ah ». La méthodologie des gens de la sunna, comment on doit agir avec les livres des gens de bid'ah. Il dit, parmi les malheurs qui sont propagés à notre époque et qui s'est répandu et dont le mal s'est répandu, il y a ces livres qui sont remplis de bid'ah, remplis de paroles contraires à la vérité, remplis de superstitions et qui appellent à des méthodologies nouvelles et innovées. Et ces livres de bid'ah sont des moyens très forts que les mubtadi'a utilisent pour propager leurs bid'ah et leurs égarements parmi les gens. Et ils essaient de, par tous les moyens d'embellir ces livres et de faire en sorte que les gens soient attirés pour les prendre et les lire et les propager parmi les musulmans qui n'ont pas de connaissances. Mais il reste une question qui nécessite une réponse. Et cette question, c'est la suivante. Comment peut-on être sauvé de ces livres? Et comment pouvons-nous protéger les gens de la Sunna de ces livres? Le cheikh il dit, la voie pour être protégé de ces livres-là et de ces égarements-là, c'est de suivre la méthodologie et la méthode des salaf al-salih dans la manière dont il agissait envers les livres des gens de la passion et de bid'ah. Et leur voie et leur méthode, c'était de mettre en garde contre ces livres et de dire aux gens d'abandonner le fait de même regarder dedans et d'avertir contre ceux qui les ont écrits. Hein? Et ils ont même fait des fatwas pour mentionner qu'il est obligatoire de détruire ces livres-là et de les brûler, hein? Et de les enlever complètement des yeux des gens. Et la raison de ça, oh mon frère en Allah, hein, il explique, il dit ça c'est pas une injustice, oh mon frère en Allah, et ça c'est au contraire la justice même. Parce que l'injustice, au contraire, c'est de laisser ces livres qui sont remplis de bid'a et d'égarements sans avertir contre eux et sans clarifier ce qu'ils ont comme égarements. Parce que les gens par la suite vont être égarés à cause de ces livres-là. Et il y a beaucoup de gens qui empruntent cette méthodologie de da'wa qui est en opposition avec le Coran et la Sunna et qui disent ce genre de choses aux gens. Hein? Et on va voir, le cheikh il va donner des exemples. Ils disent, tu peux lire les livres des gens de bid'ah, c'est pas grave. On va voir là, qu'est-ce que les salafs disent à ce sujet-là. Il dit, je vais te mentionner un nombre de citations de nos salafs qui clarifient de façon évidente et claire cette voie dont j'ai parlé. Et qui réfutent les gens qui appellent à l'égarement parmi ceux qui incitent les jeunes à lire les livres de leur chef ou de leur tête, jusqu'à les faire tomber par la suite dans les filets des gens de bid'ah. Puis, une fois qu'ils sont tombés dans les filets des gens de bid'ah, ils ne peuvent plus s'en échapper. Et le cheikh, il met une note de bas de page ici à ce sujet-là, et il dit, on a connu beaucoup de gens parmi les gens de la sunna, qui étaient sur le manhaj salafi, mais ils sont rentrés dans la lecture des livres des gens de bid'ah et des garments, soi-disant parce que ils disaient que dans ces livres-là il y avait de la vérité aussi, et ils se sont perdus, ils se sont égarés et ils sont devenus des opposants de la da'wa salafia et des salafis, et qui mettent en garde contre la salafia et les salafis. Nasallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah wa al-sabat ala sunnah. Donc le cheikh il dit, si on leur dit, ces livres-là, dans ces livres-là, il y a des attaques, des insultes contre les sahaba, même contre les prophètes. Et il y a le takfir de certains sahaba. Il y a la parole qui appelle à dire que le Coran est créé. Hein? Et il y a beaucoup d'autres égarements dedans. Tout ça, c'est des choses qui sont mauvaises, et qui sont sales, et qui sont des égarements. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Prends la vérité et laisse le faux. C'est-à-dire, prends qu'est-ce qui est vrai dans ces livres-là et laisse ce qui est faux. Le cheikh, il dit, nous, on dit, il n'y a pas de doute que la vérité, on doit la prendre de tout le monde. Et les salafs, salih, ils ne s'empêchent pas de prendre et d'accepter la vérité. Mais malgré ça, ils ne disent pas, prends la vérité dans les livres des gens de bid'ah et laisse le faux. Au contraire, ils appellent du plus haut de leur voix d'abandonner tout ça de façon complète et totale. Et ils ont même ordonné de les détruire, c'est-à-dire de détruire les livres des gens de bid'ah. Parce que la vérité qui est présente dans les livres des gens de bid'ah, elle est prise du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que si les gens de bid'ah ont des livres, et que dans ces livres-là, il y a une vérité, sache que cette vérité-là, elle vient de où? Elle vient du Coran et elle vient de la Sunna. Donc, il est obligatoire pour nous de prendre la vérité de son origine et de sa source originelle, qui n'est pas corrompue par aucune bid'ah et aucune saleté et aucune impureté. Donc, tu dois aller prendre de la source qui est pure, non pas de la source qui a des saletés dedans. Et il donne un exemple. Il dit, si je vous dis qu'il y a une source d'eau qui est pure et propre, et qu'il y a une autre source ou un puits dans lequel il y a toutes sortes de boue, de saleté et d'impureté dedans. N'importe quelle personne qui est rationnelle, qui est logique, il va choisir laquelle? Il va choisir la première. Hein? Il ne va pas faire exprès pour aller choisir le puits dans lequel il y a des saletés et des impuretés. Hein? Donc, ça c'est l'exemple de qu'est-ce que font les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, c'est comme si ils disent aux gens, allez dans le puits où il y a toutes les saletés et les impuretés, prenez l'eau, après vous allez le filtrer, puis après vous allez boire l'eau qui est propre, puis vous allez jeter les impuretés. Alors qu'il y a un puits qui est propre à côté, et que l'eau elle est bonne, tu peux la boire directement. Hein? Donc ça c'est ridicule. Hein? Et il y en a parmi eux qui ont des choubouhat, pour essayer de justifier ces genres de choses-là. Ils disent, même, il y a une histoire qui était arrivée, je pense à Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'il gardait le butin, le soir, il y a un homme qui venait pour essayer d'en voler. Hein? Non. Donc, à chaque fois, il venait la nuit pour prendre et il se faisait attraper. Alors, il lui demandait de le laisser aller. La dernière soir, je pense que c'était le troisième soir, il est venu pour prendre dans le butin et Abu Huraira l'a attrapé. Il a dit, je te laisse pas partir, ça y est. Maintenant, les gens vont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et on va s'occuper de toi par la suite. Il a dit, si tu me laisses partir, je vais t'apprendre quelque chose qui va t'aider. Hein? Il a dit, tu vas réciter surat, Ayatul Kursi avant de dormir et il y a des anges qui vont te protéger jusqu'au matin si tu récites Ayatul Kursi. Alors il l'a laissé partir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Abu Huraira, il a dit, ô messager d'Allah, le voleur, il est revenu et il m'a dit que si je le laissais partir, il allait m'apprendre quelque chose. Et il m'a dit de réciter Ayatul Kursi, que si je le récitais avant de dormir, un ange me protégeait jusqu'au matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sadaqaka wa huwa kadhub » C'est-à-dire, il t'a dit vrai, mais c'est un menteur. Et il y a des gens de bid'ah aujourd'hui qui utilisent ce hadith pour essayer de faire comprendre que tu peux prendre de tout le monde, même du shaitan. Il dit c'était le shaitan qui était là. Il est venu. C'est un menteur, mais il t'a dit vrai. Et donc ils utilisent ce hadith pour essayer de faire croire qu'on peut prendre la vérité même du shaitan. Et il n'y a pas de doute qu'on peut prendre la vérité même du shaitan. Et que même le professeur Hassan, quand les juifs ont dit quelque chose qui était vrai, il a accepté d'eux qu'est-ce qui était vrai. Mais, est-ce que tu vas, par exprès, aller directement apprendre ta religion du shaitan, alors que tu sais que c'est un menteur? Et est-ce que tu vas aller apprendre ta religion des juifs, parce qu'ils peuvent dire des vérités? Ou bien tu vas aller directement là où il y a la vérité? Et un autre point aussi dans ce hadith-là, c'est que Abu Huraira n'a pas accepté la parole de qu'est-ce que cet homme-là lui a dit, hein, qu'est-ce que le shaitan lui a dit, jusqu'à ce qu'il ait vérifié auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si cette information-là était vraie ou non. Il n'est pas allé tout de suite pour l'appliquer, avant d'avoir vérifié. Donc, c'est la preuve que ces gens-là, ils appellent à l'égarement. Mais quand on va lire les paroles des salafs, qui clarifient le manhaj des salafs par rapport à ces choses-là, vous allez voir que, hein, qu'est-ce que ces gens-là disent est totalement en opposition avec le manhaj salafi. Donc, le cheikh il dit فَكَيْفَ إِذَا أُجِدَ مَنْ يَصِيدُ فِي الْأَيْنَامِ. Il dit, tu vois, donc il dit, ces gens-là, c'est comme si ils voient des gens en train de prendre dans la source d'eau qui est propre et ils leur disent, venez avec nous dans les puits ou dans les sources où l'eau est sale et puis on va prendre notre eau ou on va chasser dans cette eau sale. Hein? Puis on va faire le nettoyage après. Hein? Donc il dit le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, celui qui a un désir dans la quête des preuves de la vérité Alors, sache qu'il, sache, c'est comme s'il dit, sachez donc que dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, il y a ce qui est suffisant et ce qui guérit. Et ces deux choses-là sont l'arme de toute personne qui est sur le tawhid et qui affirme les attributs. Mais dans les livres des gens de la sunna peuvent rajouter à la personne qui désire, qu'est-ce qui peut l'aider à comprendre? Donc il y a le Coran, il y a la sunna, puis il y a les livres des gens de la sunna qui peuvent t'aider à avoir une meilleure compréhension. Et il dit, et vous avez les écrits de notre cheikh, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il dit, il y a dans ces livres-là ce qui est suffisant pour celui qui veut réfléchir, et il est obligatoire de s'écarter des gens de bid'ah et de condamner ce qu'ils font. Ça, c'est tiré de Ad-Durar As-Saniya. Il dit, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a averti contre la lecture des gens du livre, malgré qu'elles ont des vérités, elles sont pas exemptes de vérité. Selon Jabir ibn Abdullah, il dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un livre qu'il a pris des gens du livre. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et il a dit Amutahawikuna ya ibn al-Khattab, est-ce que tu doutes, oh Omar ibn al-Khattab? Il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, wallazi nafsi biyadih, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya. Par celui qui tient mon âme en sa main, je vous l'ai ramené blanche et pure. Il dit, la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaq fatukazzibu bihi aw biba'tilin fatusaddiqu bihi. فوالذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. Donc il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, je vous l'ai ramené blanche, pure, propre. Et il dit, si vous leur demandez, c'est-à-dire aux gens du livre, à propos de quelque chose et qu'ils vous informent d'une vérité, vous risquez de le traiter de mensonge, ou qu'ils vous informent de quelque chose qui est faux, alors vous risquez d'y croire alors que c'est faux. Donc, en voulant dire, ne les lisez pas. Il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, si Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait pas d'autre choix excepté que de me suivre. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et Ad-Darimi. Et il est déclaré Hassan par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Naam. Et donc, ensuite, le Cheikh, il termine, donc, en fait, il cite ce hadith-là, et nous, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on va reprendre. J'aurais aimé continuer un peu, mais bon, il paraît que le temps est arrivé. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis après, le cours suivant, on va commencer à mentionner les citations et les paroles des salafs sur le fait de ne pas regarder dans les livres des gens de bid'ah. Donc, on s'arrête ici. Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.